Pourquoi la France a connu une révolution militaire au XVIIe siècle ? Les guerres, écrivait Richelieu, on sait comment et quand elles commencent, mais nul ne peut prévoir le temps et la qualité de leur fin. Il était bien placé pour le savoir, puisque c'est à son époque que la France a vécu une véritable révolution militaire qui eut des conséquences majeures dans tous les domaines. Pour comprendre ces bouleversements, il faut rappeler que, depuis le Moyen-Âge, l'histoire de la guerre et l'histoire de l'État ont été fortement imbriquées. Dès la fin du XIIe siècle, sous le règne fondateur de Philippe Auguste, la croissance de la force militaire a été un facteur essentiel dans l'extension territoriale et administrative de l'État royal. En 1439, alors que la guerre de Cent Ans était en train de s'achever, le roi Charles VII imposa à ses sujets un prélèvement régulier et annuel, appelé la taille, qui fut le point de départ de l'histoire moderne de l'impôt. Dans le même temps, il mit en place une armée permanente affectée à la défense du royaume. Ces deux piliers de l'État moderne, l'impôt et l'armée, furent alors justifiés l'un par l'autre. Mais quand les historiens parlent de révolution militaire, ils évoquent plutôt les changements qui se sont produits au cours des deux siècles suivants. On peut mesurer ces bouleversements en examinant la croissance des effectifs des armées. À la fin du XVe siècle, Charles VIII avait envahi l'Italie avec 18 000 hommes seulement. Mais lorsqu'en 1635, la France s'engagea officiellement dans la guerre de 30 ans, plus de 100 000 soldats furent mobilisés. Et les spécialistes estiment que les effectifs militaires dépassèrent les 400 000 hommes à la fin du règne de Louis XIV. Cette révolution militaire se concrétisa aussi par le rôle de plus en plus important joué par l'infanterie au détriment de la cavalerie et par l'usage croissant des armes à feu. Après l'invention du canon au début du XIIIe siècle, l'arquebuse, le mousquet, le fusil pourvu d'une baïonnette s'imposèrent progressivement sur les champs de bataille. Ces évolutions techniques eurent de profondes conséquences sur la manière de faire la guerre. Le rôle central joué par les armes à feu accéléra le rythme des combats. Les soldats devaient exécuter de plus en plus vite les ordres qu'ils recevaient, ce qui exigeait une discipline collective beaucoup plus rigoureuse qu'au temps des chevaliers. Ces bouleversements dans l'art militaire provoquèrent une augmentation massive des dépenses de guerre. On estime que dans les premières années du XVIIIe siècle, le budget de la guerre accaparait 75% des recettes en France, 85% en Russie. Pour tenter de combler un déficit sans cesse croissant, le pouvoir royal accentua fortement sa pression fiscale, ce qui fut l'une des causes majeures des révoltes populaires sous l'Ancien Régime. Dans le cas français, le moment où l'impact de la révolution militaire sur le développement de l'État apparut en pleine lumière date de 1635, quand la France déclara la guerre à l'Espagne. Pour financer cet effort de guerre, la monarchie accentua fortement sa pression fiscale et, dans le même temps, elle mit en place dans toutes les provinces du royaume des intendants dépendant directement de l'autorité centrale.